Pourquoi pas vider nos comptes et entrer dans ce bureau de tabac. Gratter, gratter, gratter, gagner et partir là-bas. Là-bas où le steak cuit en plein soleil. Là-bas où notre amour brûlera du feu éternel. Pourquoi pas construire notre habitation dans un énorme séquoia. Perdre une feuille, notre toit. Moi sur une fleur on fera l'amour en hauteur. Si par malheur la branche craque, tu tomberas tout court et non pas amoureux d'une autre. Pourquoi pas ouvrir un supermarché pour concurrencer le Cora. Pour un fromage acheté, vous avez le droit à un baiser. Tu seras le vendeur de loin le plus joli. Je serai la fameuse cliente au caddie plein de vaches qui rient. On ira là où Goldman et sa belle ne partiront pas. Pour bien être seul au monde, rien que nous, toi et moi. Si possible, avec peu d'affaires, on partagera notre brosse à dents. Avec nos petites manières, pour vivre ensemble le plus longtemps. Ne pleure pas, on construira notre maison dans ce séquoia-là. On fera d'un bourgeon le poêle qui nous réchauffera. L'amour à 100 mètres de haut, c'est pratique car si ça craque, tu tomberas tout court et non pas amoureuse d'un autre. Ne t'en fais pas, on ouvrira un supermarché aussi bien qu'IKEA. Pour un fromage acheté, vous avez le droit à un baiser. Tu seras la caissière de loin la plus belle. Je peux te dire que je serai pas le seul au caddie plein de Babybel.